Chapitre 2. L'œil de Hazrin. Le soir au dîner, une discussion s'engage concernant le suicide du vieux combattant. Elle réunit trois personnes d'une même famille. Karim, 25 ans d'âge, un corps de sportif, joli ou pas selon les goûts et la sympathie qu'il inspire, de grands yeux d'un noir brillant de charme quand il sourit, ce qui lui est habituel, vu son caractère très équilibré et bienfaisant. Kaira, sa mère, les 55 années bien portées, malgré le travail domestique et les divers accouchements. Maigre comme une sardine, selon son amusante expression. Son physique est néanmoins agréable, sa taille élancée. Quand elle couvre la tête avec l'un de ses beaux foulards, signe de goût pour les belles choses, quoique peu coûteuses, elle a l'air d'une romantique gitane. Le visage d'une belle forme ovale est agrémenté par un regard vif et intelligent, de splendides sourcils noirs en forme d'arc. La chevelure, longue et frisée, est un mélange de noir et de gris. Une troisième personne est présente, Zaya, la sœur de Karim. Âgée de 23 ans, le visage fermé et triste, les yeux baissés vers son plat, elle mange en silence. Karim ignore si elle écoute la discussion. En tout cas, il le souhaite, en évitant de solliciter la sœur pour ne pas la heurter. « Tout vient d'Allah, » affirme la mère. « Il est le Tout-Puissant. » Alors, observe Karim, « le suicide de Silakdar vient aussi de Dieu. »« Arrête de blasphémer, » réplique la mère, choquée. « En quoi ai-je blasphémé ? J'ai simplement tiré de ton affirmation la conclusion logique. « Le suicide est interdit dans notre religion, » affirme-t-elle. « Alors, » insiste Karim, « comment concilies-tu cette interdiction et l'affirmation que tout vient de Dieu ?»« Ah, toi tu poses trop de questions, tu veux trop comprendre, tu m'inquiètes. »« Pourquoi donc ? Tu ne penses pas ce qui t'attend après la mort ?» Ce n'est pas la première fois que la mère exprime cette effrayante intimidation. Le menacé sourit gentiment. Telle est sa réaction face aux questions absurdes. « Ah oui, » dit-il enfin d'un ton plaisantin, « Hazrin, l'ange de Dieu. »« Exactement. Oublies-tu qu'il a l'œil sur nous durant toute notre vie, qu'il surveille tous nos actes et connaît toutes nos pensées ? N'as-tu pas peur de lui la nuit où tu seras enseveli dans le tombeau ?»« Aïe, » se dit Karim, « je dois éviter cet argument, sinon maman se fâchera et ma sœur s'offusquera. » La mère conclut avec amertume, « À cause de toi, je ne parviens plus à dormir. » Karim recourt au mot adéquat pour tranquilliser. « Écoute, maman, » dit-il de sa voix la plus suave, « je te prie de ne pas t'inquiéter pour moi. Je sais ce que je fais. L'important est que je me conduise correctement. Ne jamais penser ni faire de mal à personne, et autant que possible, faire le bien. » « Il faut cependant, » insiste la mère, « obéir à Rabbi, l'autre nom de Dieu, dans tout ce qu'il nous prescrit. » Ce que j'ai dit ne devrait-il pas lui suffire ? Non, rétorque-t-elle, totalement convaincue. Le fils, désolé, ne sait plus quoi ajouter. Il baisse tristement la tête et s'entretient avec lui-même au sujet de sa mère. Quand il était enfant, elle fut pour lui une précieuse et chaleureuse source d'éveil. Elle lui fit aimer l'utilité de la connaissance, le plaisir d'apprendre, la lecture des livres. Elle lui rappelait souvent le précepte du prophète de l'islam, « Cherche la science, même si tu dois aller en Chine ». Elle était une religieuse sachant utiliser sa raison. Malheureusement, depuis la déferlante cléricale intégriste sur le pays, la mère de Karim adopta progressivement une mentalité rétrograde, superficielle, puérile et peureuse. Elle se mit à faire régulièrement la prière, en demandant systématiquement à Dieu la résolution de tous ses problèmes. Elle renonça à sa précédente et saine capacité de les affronter de manière rationnelle, courageuse, en comptant sur sa propre intelligence. Karim s'apercevait avec regret et désolation de cette régression de sa mère. Il tentait de la faire revenir à l'époque où primait sa lucidité. Hélas ! Une sorte de terreur aveugle s'était emparée de sa mère. Terreur distillée par l'obsédante vision des prêches télévisées et l'incessante écoute des cassettes audio des intégristes religieux. Leur leitmotiv consistait en la même menace, répétée de manière obsessionnelle. « Crains Allah, car il est terrible dans le châtiment. » Pense à ta première nuit dans le tombeau et à ce que tu subiras de la part de Hazrin pour toutes les actions impies que tu as commises dans ta mauvaise vie. Karim constatait l'angoisse affreuse qui tourmentait sa mère et le renoncement à tout ce qu'elle possédait de saine raison. Il eut beau expliquer et répéter avec patience. « Mais maman, Tu n'as quand même pas commis de graves fautes dans ta vie. Tu n'as pas tué, tu n'as pas volé. Comme nous tous, il t'est arrivé de mentir parfois, d'éprouver des sentiments de haine, peut-être de commettre une mauvaise action. Est-ce que ce genre de choses te condamne à la torture après ta mort? Rabbi ne dit-il pas qu'il est miséricordieux? N'est-ce pas une absurdité, cette histoire de Hazrin qui, durant ta première nuit dans le tombeau, viendrait te torturer? Auparavant, dans mon enfance et mon adolescence, tu me faisais l'éloge de la religion comme bonté. Comment peux-tu croire maintenant à une version religieuse qui ne parle que d'horribles tortures, et comble de tout, la nuit même de ton décès, sans attendre ce qui est affirmé dans le Coran, Yum al-Guyama, littéralement le jour de la levée, autrement dit celui du jugement dernier. Malheureusement, ce sage discours ne parvenait pas à l'entendement de la mère, désormais trop conditionnée idéologiquement. Elle était envahie par une crainte insensée de terribles châtiments, la nuit même de son décès. Les rares fois où, dans un éclair de bon sens, elle demandait à sa fille Zaya « Pourquoi Hazrin me torturerait si je n'ai rien fait qui mérite vraiment ce traitement ?» Zaya, plus conditionnée que sa mère, répondait avec la plus grande des convictions. Karim, désespéré, constatait « Je n'ai aucun moyen pour remédier à cette déchéance intellectuelle. » Certes, il voyait beaucoup de gens tomber dans cet affreux obscurantisme. Toutefois, sa mère semblait jusque-là dotée d'un minimum de raison pour ne pas en être victime. Karim essaie l'humour libérateur. « Écoute, maman, » dit-il. « Eh bien, je prends cet engagement. Le jour de ton décès, que je souhaite le plus tard possible, je mettrai dans ta tombe la plus belle des roses que je trouverai. Ainsi, dans le cas où Hazrin arrive, tu lui offres cette fleur avec ton plus beau sourire. Si ce diable est sensible à la beauté, il sera content et vous deviendrez amis. Si au contraire, comme tout tortionnaire, il reste imperturbable à ton geste, alors appelle-moi au secours, car la nuit, je resterai tout près de ta tombe, et à ton appel au secours, je l'ouvrirai et affronterai ce démon avec un bâton que j'aurai avec moi. » Imitant un combat furieux d'une manière comique, Karim crie « Bam, boum, crac, bam, bam, bam, boum, boum, crac !» et je le mets hors de combat. La mère, amusée, éclate de rire. Tout de suite après, son angoisse la reprend. « Tu as tort de me faire rire. Hazrin est un ange puissant, il te vaincra. » Néanmoins, le fils ne renonce pas à libérer sa mère du dangereux tunnel dans lequel son esprit est relégué. Avec le tact indispensable, il compte sur ce qui reste à cette dernière de discernement pour lui redonner sa salutaire clairvoyance. Aussi conclut-il « Maman, c'est à toi que je dois mon intelligence et ma joie de vivre et mon insouciance de la mort. Aussi, je désirais tant te voir, toi aussi, retrouver ton intelligence, ta joie de vivre et ton insouciance de la mort. La religion ne devrait pas être un terrorisme, mais une saine pratique en faveur d'une existence sereine et équilibrée. Sinon, quelle serait son utilité et sa bienfaisance ?